Fait ça. Ouais. C'était en 1983, ça s'appelait Stonewall Lake. À la batterie. Solo quoi. Ah non. Il s'est barré, il est marre. Il me casse les couilles. c'est barré. Ah, c'est dur la vie. C'est dur la vie d'artiste. Même Dirty s'est arrêté. Titi est parti, tout le monde est parti.